À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, séminaire sur les exploits, rendez-vous de souvenirs, colloques, conférences, expositions de photos, de livres et de beaux-arts coréens ont eu lieu en Roumanie, en Inde, en Malaisie, en Éthiopie, en Bulgarie, en Ouganda, en Thaïlande et en Russie. Les orateurs ont dit: pour ses exploits accomplis dans la cause sacrée pour la prospérité de la patrie, le bonheur du peuple et l'émancipation du monde, le camarade Kim Il-sung est toujours vivant dans le cœur du peuple coréen et de l'humanité progressiste.